بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم قول صدق الله صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz رحمه الله sur le jugement de dire صدق الله العظيم après la lecture du Coran. صحيح, كثير من الناس, ils ont pris cette habitude, ils lisent le Coran إما جزء إما حزب إما باج إما verset. المهم, après avoir fini la lecture, ils disent صدق الله العظيم. صدق الله العظيم, ça veut dire que Allah a dit vrai. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم, وهذا لا أصل له. Le fait de dire صدق الله العظيم à chaque fois après avoir fini le Coran, هذا il n'y a aucun fondement, aucune source dans notre dîn. تستفيد من هذا أن même si beaucoup de gens ou la plupart des gens ils font une chose, ça ne veut pas dire que cette chose elle est fondée. Et on a un exemple avec cette bid'a. قال ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع. On a une règle, on a des principes dans notre dîn. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné, il n'a pas accepté, son acte il est rejeté. Même s'il a une bonne intention. Même si cette parole à la base elle est juste. Il y en a à dire, ou plutôt si on garde le sens, sadaq Allahu al-Azim, la shak. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le haq, et qawluhu al-haq. Et le Coran c'est min kalamillahi azza wa jal. Il n'y a aucun doute que sadaq Allahu azza wa jal. N'importe quel verset que tu vas lire, صدق الله, Allah a dit vrai. Lakin le fait de le prendre pour habitude de le dire, هذا, on peut se poser la question, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait pas صدق الله العظيم, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a reçu cette révélation. قال إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك وأن لا يعتاد لعدم الدليل يعتاده لعدم الدليل. Et là, ça devient une bid'a si celui qui dit صدق الله العظيم il pense que c'est légiféré. Et à chaque fois qu'il finit le Coran, il le dit. Là, chaque c'est une bid'a. Mais celui qui le dit de temps en temps, maintenant il dit un verset, il dit صدق الله ou صدق الله العظيم. Et c'est pas à chaque fois. Et pour lui, c'est pas une sunna de le dire à chaque fois après le verset. Là, c'est pas une bid'a. Lakin, on parle de ce que les gens ils font le un. À chaque fois qu'ils finissent le Coran, ils disent صدق الله العظيم. Et pour prouver que c'est une bid'a, c'est que si tu ne dis pas صدق الله العظيم, pour eux, c'est étrange. Ou si tu le conseilles, ils n'acceptent pas. L'imam al-Aliyana, c'est devenu une passion. Il ne veut plus délaisser même si tu lui montres. قال وأما قوله تعالى قل صدق الله فليس في هذا الشأن. بعضهم يستدل بقول الله عز وجل قل صدق الله. Un verset du Coran, Allah قال قل صدق الله. Et il dit صدق الله. فالشيخ رحمه الله قال فليس هذا من هذا الشأن وإنما أمره سبحانه وتعالى أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتابه العظيم إلى آخره. نعم, هذا c'est autre chose. نعم, donc à ce moment il lui a ordonné de هذا. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on lit le Coran on dit صدق الله, ou à chaque fois qu'on lit un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم on dit صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه c'est من البدع. فلهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. Et هكذا on doit faire attention avant de dire une parole, avant de d'œuvrer, خاصة bien sûr dans ce qui est lié à notre dîn. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait cette chose, il a ordonné de la faire, il a accepté. أما كلام الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب. أما كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله ضع لما مسألة قال نعم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن لا أصل له من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وإنما حدث أخيرا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons رضي الله عنهم quand ils lisent le Coran ils ne disaient pas صدق الله العظيم à la fin. قال ولا ريب أن قول القائل صدق الله العظيم ثناء على الله عز وجل فهو عبادة. تأمل هذا. لا شك أن celui qui dit صدق الله العظيم c'est un thana ala Allah, c'est une bonne parole. Donc pour lui, c'est une adoration, il n'y a aucun doute. Tu demandes à n'importe qui min al-muslimin, quand tu dis sadaq Allahu al-azim, est-ce que tu veux le bien? Est-ce que c'est une adoration? Est-ce que tu espères la récompense? Il dira na'am. Donc pour lui, c'est une adoration. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa idha kana 'ibadatan fa innahu la yajuz an nata'abbad lillah bihi illa bi dalil min ash-shara'. On est d'accord que c'est une adoration. Si c'est une adoration, on n'a pas le droit, sauf si on a une preuve. Et taqaddam ma'ana anna il n'y a aucune preuve sur le fait de dire « Sadaq Allahu al-Azim » à chaque fois qu'on récite le Coran. Donc, il n'y a aucun doute que c'est une innovation, c'est une bid'a. Nas'arullah subhanahu wa ta'ala an yahdi jami' al-muslimin wa naktafi bihada. Walhamdulillah rabbil alamin.